XRF. Ces deux frères des terres. Ok. Ma boutique c'est 44 rue Paul Père. Après je bouge en vacances pour prendre un coup de bol d'air. La vie est dure pour certaines personnes, je les comprends pas. Tant que t'es vivant, nique toujours la hella. Là c'est morsaille, un conseil troya. T'arrêtes pas pour le dawa, nique la hella. Où tu vas, c'est tout le monde connaît ma vie. J'pars de 0 euros, regarde, j'roule en R8. De villa au bled, j'fais plaisir la mima. Nique la hella, c'est morsaille. CCCR est toujours à côté de moi. J'lâche pas l'affaire, te reprête et t'es déter. L'amour de nos proches nous pousse parfois à faire semblant. Faire semblant de réussir alors qu'on perd trop de temps. On perd trop de temps. Il faut vraiment qu'on ait nourri en main pour trouver notre chemin et enfin vivre notre destin. Ok, là c'est morsage, taf pas à l'usine. Je représente pour toutes les sœurs qui squattent la cuisine. Truante la galère, des terres pour tous les frères. Biatch sur les champs c'est 300 euros. Après direct elle vient les claquer pour prendre de l'héro. Hey, écoute ce morceau là, c'est pour nos sœurs et nos frères qui font la hella. Nique sa mère tous les six rats, on s'arrête pas, on est des terres. On s'en fout des jaloux. Va niquer ta mère. Déterre, morsaille c'est serre. Picraveur depuis loin, bas du texte. Mais la hesba, nique sa mère tous les six rats. Je reste flou, nique sa mère tous les jaloux. L'amour de nos proches nous pousse parfois à faire semblant. Faire semblant de réussir alors qu'on perd trop de temps. On perd trop de temps. Il faut vraiment qu'on ait nourri en main pour trouver notre chemin et enfin vivre notre destin. Algérien, marocain et tunisien, à trois sur son du terre, trace trois, ça met la rage cousin. On est solidaires, on est trop fiers, représente le Maghreb. Nique la hala toute l'année comme Cheb Khaled, futuring CRF. Déterre comme Abel qui a ouvert son cuic Khaled. En plein milieu d'Argentine, nique la hala. J'oublie pas les frères Aouni, à Fleury, les Rogis, à Dwa d'Arcy, à Santé et à Frenhaï. J'oublie pas une pensée à vous et à tous ceux qui mangent la gamelle à sœur là. Une dédicace à toutes les meufs qui vous lâchent pas de votre départ à l'incarcération jusqu'à la libérable. Une pensée aux darons qui sont tout seuls avec leurs gosses et leurs mecs qui sert à rien. L'amour de nos proches nous pousse parfois à faire semblant de réussir alors qu'on perd. Morsaille, nique tous les racistes. Nique tous les racistes. Nique tous les racistes.